Selon Yonhap News de Corée du Sud, la marine des forces d'agression américaines, les forces navales d'autodéfense du Japon et la marine sud-coréenne ont livré les exercices militaires conjoints pour le blocus maritime contre notre République dans les eaux internationales à l'est de l'île de Jeju les 22 et 23 octobre.